De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 13, 3 et 4. De la liberté. Voyons maintenant quelle est, d'après saint Augustin, l'essence de la liberté. Il semble qu'à ses yeux, la liberté n'est pas une chose et la volonté une autre, mais qu'elles se confondent de tout point, et qu'on ne peut rien affirmer de la première qu'on ne puisse également affirmer de la seconde. C'est, sans doute, sinon à saint Augustin lui-même, du moins à ceux qui l'ont suivi, que Bossuet fait allusion dans son traité du libre arbitre, quand il parle de ceux qui identifient le libre et le volontaire. Traité du libre arbitre, chapitre 5. Cette identification ne paraît pas moins nettement formulée dans le maître que dans les disciples. Notre volonté, dit Augustin, ne serait pas volonté si elle n'était pas en notre puissance. Or, comme elle est en notre puissance, elle est libre. Et ailleurs, où la volonté n'est pas, où elle est libre. Du libre arbitre au livre 3 chapitre 3. Aristote et Leibniz font consister la liberté dans l'exemption de toute contrainte ou spontanéité, dans l'exemption de toute nécessité et dans l'intelligence de l'acte à faire. Saint Augustin n'a nulle part déterminé d'une manière aussi complète les conditions de la liberté. Sans nier la troisième de ces conditions, c'est sur la première et la seconde qu'il insiste de préférence. La première condition de la volonté libre est la spontanéité. Or la spontanéité réside dans le pouvoir de se mouvoir soi-même et de n'être point mu par un autre. L'âme a en elle le principe de son mouvement, puisqu'elle veut et que personne ne veut pour elle, son mouvement est spontané. Ce mouvement ne s'opère pas d'un lieu à un autre comme celui d'un corps, il est purement spirituel. Sans avoir un mouvement local, c'est pourtant, chose singulière, d'un mouvement local qu'elle meut son corps. C'est ainsi qu'un ressort, ajoute ingénieusement saint Augustin, sans quitter l'étroite place qu'il occupe, meut un autre corps dans un espace très grand. De 83 question numéro 8. La spontanéité n'appartient pas seulement à l'homme, à Dieu, à l'ange, mais à l'animal lui-même. Les tendances qui le poussent à agir, pour rechercher son bien et éviter son mal, sont, en effet, des espèces de volonté, si toutefois on peut appeler ainsi des mouvements qui ne sont point éclairés et dirigés par la raison. C'est en se plaçant à ce point de vue que saint Augustin a donné de la volonté une définition qui a le tort de ne pas s'appliquer à la volonté seule et de ne pas tenir compte de tous les éléments qui la constituent. La volonté, dit-il, est un mouvement de l'âme exempt de toute contrainte, qui nous porte à ne point perdre ou à acquérir quelque bien. Des deux âmes chapitre 10. Il peut arriver que la contrainte, au lieu d'anéantir la liberté, se borne à l'amoindrir. De là la distinction de la volonté imparfaite et de la volonté parfaite que saint Augustin admet après Aristote et que tous les philosophes du Moyen Âge, ainsi que Leibniz, admettront après saint Augustin. Il y a des choses, dit saint Augustin, que nous faisons malgré nous et que nous faisons néanmoins volontairement, malgré nous, car nous voudrions bien ne pas les faire, volontairement, car nous nous décidons à les faire pour éviter un plus grand mal. Si nous trouvons plus de mal dans l'action qu'on nous impose que dans le châtiment dont on nous menace ou qu'on nous inflige, nous résistons à la contrainte et nous refusons d'agir. Si nous en trouvons un peu moins, nous agissons, mais à contre-cœur, et notre acte, bien qu'il soit libre en une certaine mesure, n'est pas accompli dans une pleine et entière liberté. De l'esprit est la lettre chapitre 31. Je puis me tromper, mais il me semble que c'est la manière d'envisager la volonté, en tenant compte de ses nuances et de ses dégradations, est plus conforme à l'expérience journalière et aussi à la pratique constante des tribunaux que l'opinion qui place la volonté dans un point indivisible en dehors duquel la volonté n'est pas. À considérer seulement les développements qui précèdent et la définition de la volonté que nous avons citée plus haut, on serait porté à croire que saint Augustin, tout en affranchissant la volonté de la contrainte, la laisse entièrement soumise à la nécessité. Cherchons quelle a été sur ce point sa véritable doctrine. Voici à peu près comment il s'exprime dans un passage charmant de son traité de la Trinité. « Notre communauté de nature fait, dit-il, qu'il y a entre nous une certaine communauté de vouloir, et que chaque individu connaît sur certains points les volontés de l'espèce, tandis que sur d'autres il ignore celles qu'un seul individu peut avoir. » Un comédien ayant un jour congédié son public en disant « Demain je vous dirai, à tous, ce que vous voulez », et une grande affluence s'étant pressée le jour suivant au spectacle, curieuse de voir s'il devinerait juste, « Vous voulez, leur dit-il, acheter à bon marché et vendre cher ?» À cette saillie, tous les spectateurs se mirent à applaudir. Le comédien leur avait montré le miroir et chacun d'eux s'y était reconnu. Ennius avait dit de même, sans crainte de se tromper beaucoup, que tous les hommes veulent être loués, cependant ces deux propositions ne sont pas absolument certaines, remarque saint Augustin, et il ne serait pas impossible de trouver des exceptions qui en restreignissent la généralité. Mais une vérité incontestable et dont l'universalité ne saurait être révoquée en doute, c'est que tous les hommes veulent être heureux. C'est là en quelque sorte le fond de notre volonté et son essence même que l'on retrouve sous les formes les plus variées et sous les accidents les plus divers. Le bien est le but suprême de tous nos vouloirs, la fin principale à laquelle tous les biens spéciaux sont comme subordonnés. De la Trinité livre 3 chapitre 3. La plupart des auteurs qui distinguent la volonté de la liberté font consister la première dans la tendance vers le bien en général, et la seconde dans le choix de tel ou tel bien particulier. Augustin, qui identifie la volonté et la liberté, regarde naturellement comme libre, quoique nécessaire en un certain sens, la tendance vers le bien général lui-même. On pouvait lui objecter qu'une tendance nécessaire ne saurait être ni volontaire ni libre. À cela Augustin répond, il est absurde de dire que la volonté d'être heureux ne dépend pas de notre volonté, parce que nous ne pouvons pas ne pas l'avoir par je ne sais quelle heureuse nécessité de notre nature. Oserions-nous dire que Dieu n'est pas juste volontairement, mais nécessairement, parce qu'il ne peut vouloir le mal. De la nature et de la grâce. Réfutation de Pélage chapitre 46 et 47. Leibniz, qui cite ce passage, l'approuve fort et s'en sert pour établir qu'outre la nécessité métaphysique, qui est incompatible avec la liberté, il y a une sorte de nécessité morale qui s'accorde parfaitement avec elle. Ce qui porte, dit-il, la volonté au bien infailliblement ou certainement ne l'empêche point d'être libre. Théodicée livre 3. La troisième condition de la volonté, qui est l'intelligence, n'est qu'indiquée dans les écrits de saint Augustin, mais elle l'est de la manière la plus formelle. Il hésite, nous l'avons vu plus haut, à donner le nom de volonté aux appétits des animaux, pour une seule raison, parce qu'ils sont dépourvus d'intelligence, Cité de Dieu, livre 5, chapitre 9. Ailleurs, il s'exprime en termes encore plus catégoriques. Celui qui pêche à son insu, dit-il, pêche involontairement, bien qu'il ait agi volontairement. Rétractation, livre 1er, chapitre 15. L'acte a été voulu, non le péché, parce qu'on ignorait que l'acte fût un péché. C'est un péché cependant, car c'est une violation du devoir, c'est, comme diraient les modernes, un mal, mais non un mal moral, puisqu'il n'a pas été accompli sciemment et volontairement. Pourquoi nos premiers pères furent-ils répréhensibles en mangeant du fruit défendu? Parce qu'ils agirent volontairement, et ils agirent volontairement parce qu'ils contrevinrent sciemment aux préceptes qu'ils avaient reçus. L'intelligence est tellement un élément essentiel de l'acte volontaire que, dès qu'elle nous fait défaut et que nous sommes plongés dans une ignorance ou une erreur invincible, nous cessons d'être responsables de notre conduite. Du libre arbitre au livre 3, chapitre 18 et 19. On lit vers la fin du traité du libre arbitre un passage fort caractéristique sur l'intervention de l'intelligence dans les phénomènes volontaires. En voici à peu près le sens. Pour que la volonté agisse, il faut qu'elle soit attirée par quelque représentation. Elle peut sans doute céder à l'attrait de l'une, résister à celui de l'autre. Mais il ne dépend point d'elle d'être frappée par l'une plutôt que par l'autre. Il est impossible de mieux marquer que ne le fait ici saint Augustin la part de l'intelligence dans la liberté, et aussi celle de la fatalité dans l'intelligence et, par suite, dans la liberté elle-même. Nous sommes bien libres de choisir entre les motifs présents à notre esprit, mais il ne dépend pas toujours de nous d'évoquer et de faire apparaître ceux que nous voulons. C'est souvent l'effet des circonstances. Supposons, ajoute-t-il, que l'âme n'ait aucune idée de l'objet vers lequel elle doit se porter, et que ni les sens ni la réflexion ne lui fournissent à cet égard aucune lumière, elle demeurera immobile. Suivant qu'elle prend, parmi les représentations qu'elle se forme, les inférieures ou les supérieures pour terme de son action, elle s'achemine vers le malheur ou vers la béatitude. Du libre arbitre au livre 3, chapitre 25. Saint Augustin ne se borne pas à déterminer à sa manière la nature de la liberté, il examine encore les idées que d'autres auteurs, et en particulier les pélagiens, ont émis sur ce sujet. C'est en discutant contre eux, qu'il arrive à voir clair dans sa propre intelligence, et à préciser nettement ses propres doctrines. Nous ne toucherons qu'à un ou deux points de cette polémique célèbre, où la théologie tient plus de place que la philosophie. Un ardent disciple de Pélage, Julien, contre lequel Augustin écrit plusieurs ouvrages considérables, demandait ironiquement à ce dernier avec quel poète et dans quel hypocrène il s'était enivré, pour se représenter le libre arbitre comme un monstre ayant pour corps la nécessité et se couvrant seulement le visage du nom de liberté. Contre la seconde réponse de Julien, livre 3, chapitre 117. Selon Julien, le libre arbitre n'est que le pouvoir de pécher ou de ne pas pécher, c'est-à-dire la faculté de choisir entre le bien et le mal. Idem livre 10, chapitre 10. Cette notion superficielle du libre arbitre n'est pas exclusivement propre au pélagianisme, et n'a pas péri avec lui. On la retrouve dans un grand nombre d'ouvrages modernes et en particulier dans les 1000 livres 4. Rousseau semble admettre, dans un morceau souvent admiré, que Dieu ne pouvait pas, en créant l'homme, le mettre dans l'impossibilité de faillir, sans le diminuer, et sans le ravaler jusqu'à l'animal. Quoi ? S'écrie-t-il d'un ton un peu déclamatoire, pour empêcher l'homme d'être méchant, fallait-il le borner à l'instinct et le faire bête ? Non, mais Dieu pouvait le borner à la raison et le faire ange, il pouvait l'éclairer plus qu'il n'a fait, et lui inspirer pour le bien moral le même amour qu'il a actuellement pour le bonheur. Il aurait été alors libre et impeccable à la fois, comme les élus le sont, suivant les croyances de l'Église, comme le sage devait l'être, d'après la doctrine stoïcienne. Non, Dieu de mon âme, ajoute Rousseau, je ne te reprocherai jamais de l'avoir faite à ton image, afin que je puisse être libre et heureux comme toi. Très bien, mais vous pourriez lui reprocher de n'avoir pas tracé de lui-même en vous une image plus ressemblante, et de ne pas vous avoir rendu ainsi plus libre, meilleur et plus heureux, comme vous souhaitez de l'être. La réponse que nous faisons à Rousseau est, à peu de choses près, celle que saint Augustin adresse à Julien. Définir le libre arbitre, dit-il, le pouvoir de pécher ou de ne pas pécher, c'est ôter le libre arbitre à Dieu, qui ne peut pécher, c'est le ravir aux saints, qui ne pourront pécher dans le ciel. Contre la seconde réponse de Julien, livre 6, chapitre 10. Tu prétends que l'homme, dit ailleurs Augustin, est libre de pécher ou de ne pas pécher, et qu'il est en cela l'image de Dieu, comme si la liberté de pécher faisait partie de l'essence divine. Idem livre 5 chapitre 38. Si la liberté suppose le double pouvoir de vouloir le bien et le mal, Dieu n'est pas libre, car il ne peut vouloir le mal. Tu en conviens toi-même, et tu as eu raison de dire, Dieu ne peut être que juste. Crois-tu donc louer Dieu en lui enlevant la liberté, ou plutôt ne dois-tu pas comprendre qu'il y a une heureuse nécessité qui empêche Dieu d'être injuste ? Idem livre 1er chapitre 100. Nous retrouvons ici cette nécessité morale ou de convenance, qui est une des croyances d'Augustin comme de Leibniz. Pourquoi donc l'homme n'a-t-il pas été créé avec un libre arbitre plus parfait et placé dans des conditions meilleures ? C'est qu'il fallait, ici encore saint Augustin devance le philosophe de Hanovre, c'est qu'il fallait qu'il y eût dans le monde des êtres de toutes sortes, et qu'il n'y eût pas de solution de continuité dans la vaste chaîne de la création. Du libre arbitre au livre 3 chapitre 9, de l'ordre livre 1er chapitre 7. Entre les êtres inférieurs qui ne peuvent pas pécher, parce qu'ils ne sont ni intelligents ni libres, et les êtres supérieurs qui ne peuvent pas pécher, parce qu'ils possèdent l'intelligence et la liberté à un degré éminent, il devait y avoir des êtres qui eussent assez d'intelligence et de liberté pour pouvoir ne pas pécher, mais qui n'en eussent pas assez pour ne pas pouvoir pécher. La définition des Pélagiens convient à l'un de ces deux genres de liberté, mais non pas à l'autre, elle se rapporte à une partie de l'objet défini, mais non pas à l'objet défini tout entier, elle est par conséquent vicieuse. Loin de s'appliquer à toute espèce de liberté, la définition pélagienne ne s'applique même pas à la liberté dont l'homme jouit actuellement, car il est bien clair, suivant Augustin, qu'il est plus enclin au mal qu'au bien. Qu'il fait le premier, seul, sans effort, en s'abandonnant à sa pente naturelle, tandis qu'il ne peut faire le second qu'avec peine, et en s'appuyant sur la grâce divine pour résister à la concupiscence qui l'entraîne. Cet égal pouvoir de se porter vers le bien ou vers le mal, dont parle Julien, a été sans doute le partage du premier homme récemment sorti des mains de Dieu, et vivant dans l'innocence du paradis terrestre. Mais son péché l'a fait déchoir, lui et sa postérité, de cet état supérieur, et l'a rendu esclave de ses tendances mauvaises. Il n'a d'autre plaisir, d'autre désir, d'autre volonté que de les satisfaire. Ne faisant volontiers que le mal, il n'est libre que pour le mal. C'est un esclave qui ne redevient libre que tant que la grâce lui inspire l'amour du bien et lui fait trouver du plaisir à le pratiquer. Ce n'est pas le libre arbitre, c'est le serf-arbitre qui semble être le fond de sa volonté. En Chéridion chapitre 30, contre Julien livre 2 chapitre 8. Nous sommes aussi libres, disait Julien, de ne pas commettre un crime que de le commettre, d'obéir au commandement de Dieu qu'aux suggestions du diable. Augustin convient que nous possédions cette liberté dans le paradis, mais il soutient que la déchéance originelle nous l'a fait perdre. Dieu nous l'avait donnée, le diable l'a vicié, le Sauveur seul peut la rétablir. Contre la seconde réponse de Julien livre 3 chapitre 110. Il n'y a, en effet, que la grâce divine qui donne à l'âme la liberté de faire le bien et d'éviter le mal. Ce n'est pas que la grâce entraîne l'âme de vive force, comme une esclave, vers le bien, mais elle l'y incline par la libre délectation de l'amour. Loin d'amoindrir et d'asservir le libre arbitre, elle l'augmente et le délivre de l'esclavage du péché. En opposant un contrepoids à celui de la concupiscence, elle produit en nous une demi-liberté, celle qui consiste à pouvoir ne pas pécher, en attendant que, la concupiscence étant anéantie, l'âme jouisse d'une liberté entière et ne puisse pas pécher, semblable en cela à son divin auteur. Seulement cette heureuse liberté dont Dieu jouit et qu'il a par lui-même, nous ne la posséderons que par grâce et ne l'aurons que par voie de participation. Tous les actes de l'âme s'expliquent par deux mouvements, dont l'un la porte vers l'être qu'il a créé, l'autre vers le non-être d'où elle est sortie. Ces deux mouvements ont, à leur tour, le même principe, car si l'être attire, le néant, qui n'est rien, ne saurait attirer. Aussi le premier mouvement, dans lequel consiste le bien, a-t-il seul une cause efficiente et positive, le second, qui n'est autre que le mal, n'a qu'une cause négative et en quelque sorte déficiente. L'être suprême est comme un foyer de lumière et de chaleur, de raison et de vie. En s'approchant de lui, l'âme s'éclaire et s'échauffe, en s'éloignant de lui, elle s'obscurcit et se glace. Celui qui lui a donné l'être peut seul lui donner la perfection de l'être. Cité de Dieu livre 12 chapitre 7, discours sur les psaumes chapitre 70. Il est curieux de voir comment cette doctrine de saint Augustin a été appréciée par le grand Leibniz, qui en parle souvent et qui paraît s'en être pénétré. Après avoir signalé quelques points qui lui paraissent obscurs et même rebutants, suivant ses expressions, il déclare qu'on pourrait s'accommoder du système. L'homme tombé et non régénéré, dit-il, et sous la domination du péché et de Satan, parce qu'il s'y plaît, il est esclave volontaire par sa mauvaise concupiscence. C'est ainsi que le franc arbitre et le serf arbitre sont une même chose. Leibniz Théodicée, troisième partie 277. L'homme s'est livré au démon de la convoitise, le plaisir qu'il trouve au mal et l'hameçon auquel il se laisse prendre. Platon l'a déjà dit, et Cicéron le répète, la grâce y oppose un plaisir plus grand, comme saint Augustin l'a remarqué. Idem 278. Augustin porte que de la substance de Dieu il ne peut sortir qu'un Dieu, et qu'ainsi la créature est tirée du néant. C'est ce qui la rend imparfaite, défectueuse et corruptible. Le mal ne vient pas de la nature, mais de la mauvaise volonté. Le libre arbitre ne saurait accomplir les commandements de Dieu sans le secours de la grâce. La volonté est proportionnée au sentiment que nous avons du bien et en suit la prévalence, etc. etc. Idem, 284-287. Touchant cette dernière question, qui est celle de l'influence des motifs sur la volonté, Augustin et Leibniz sont en général parfaitement d'accord. L'un et l'autre proscrivent la liberté d'indifférence ou d'équilibre que les pélagiens admettaient et que beaucoup d'autres modernes ont admis après eux, et regardent les motifs comme ayant une vertu, non pas nécessitante, mais déterminante. Ainsi, suivant eux, Dieu ne peut pas faire le mal, il en est empêché, non par une nécessité métaphysique, mais par une nécessité morale et de convenance, qui lui fait regarder le bien comme seul digne de sa nature. Pour être sage, la volonté ne cesse pas d'être libre. L'un et l'autre soutiennent aussi que la volonté humaine ne possède pas un égal pouvoir de faire le bien et le mal, mais que ce pouvoir varie indéfiniment, suivant que la concupiscence ou l'amour de Dieu prédomine en chacun de nous. Quand ce dernier sentiment est porté à un certain degré, l'homme, sans perdre sa liberté, est néanmoins nécessité moralement à faire le bien. Mais à côté des ressemblances que nous venons de signaler entre ces deux doctrines, se trouvent des différences assez considérables. Augustin regarde la nature humaine comme tellement dégradée qu'elle n'est capable, réduite à elle seule, d'aucune action morale. Suivant lui, les vertus des païens n'étaient que des péchés éclatants. Leibniz a une meilleure opinion de l'homme, et ce mot de saint Augustin lui paraît une saillie peu raisonnable. Tout en rejetant la doctrine de la liberté d'indifférence, Augustin y incline quelquefois, Leibniz, jamais. Voilà deux hommes, dit Augustin, qui voient une belle personne. Ils sont disposés au moral et au physique exactement de la même manière. D'où vient que l'un s'abandonne à ses désirs impudiques et que l'autre y résiste? Cité de Dieu livre 12 chapitre 6. Leibniz répondrait que le fait n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas agir différemment, parce que la différence de leur manière d'agir n'aurait pas de raison suffisante. Quant à Augustin, il répond que la conduite du premier s'explique par sa volonté, qui le porte par une pente naturelle vers le néant d'où nous sommes tirés. Mais Leibniz répliquerait sans doute que cette pente étant la même dans l'un que dans l'autre, il n'y a aucune raison pour que l'un agisse autrement que l'autre. Je relèverai encore entre Augustin et Leibniz un autre trait de dissemblance qui mérite d'être remarqué. Augustin sépare d'une manière assez tranchée la connaissance du bien et l'amour du bien. Il faut une grâce particulière pour posséder l'une et une grâce nouvelle pour avoir l'autre. Il prendrait volontiers pour devise le mot du poète, Ovide, Métamorphose, je vois le bien, je l'aime et je fais le mal. Leibniz, au contraire, fidèle aux traditions de la philosophie grecque, qui faisait de la sagesse le principe générateur des autres vertus, qui prétendait que le bien, s'il était plus clairement connu, inspirerait d'invincibles amours. Leibniz n'admet pas cette scission de notre nature intellectuelle et de notre nature morale. Il croit, avec Platon, qu'il suffit de voir nettement le bien pour le faire et juge avec lui que les méchants ne sont que des ignorants. Puisque j'ai commencé à relever les analogies que les idées d'Augustin offrent avec celles des philosophes modernes, Il me sera bien permis d'ajouter que ce principe, également admis par Bossuet et par Fénelon, que Dieu ne nous a pas donné seulement la faculté de vouloir, mais qu'il produit, en un certain sens, chacune de nos volitions et de nos actions, est tiré des ouvrages d'Augustin sur la liberté où il revient à toutes les pages, et qu'il fait partie intégrante de sa doctrine. Suivant Pélage, l'homme a reçu de Dieu la faculté de vouloir. Il ne dépend pas de lui de l'avoir ou de ne pas l'avoir, mais l'acte de cette faculté dépend de lui. Augustin n'admet pas cette opinion qui rapporte à Dieu le moins parfait, la simple possibilité, et à l'homme le plus parfait, l'actualité. De la grâce et du libre arbitre, chapitre 46-47. Quand Bossuet et Fénelon ajoutent que Dieu ne nous a pas seulement donné la volonté, mais encore la bonne volonté, ils émettent une opinion essentiellement augustinienne. Le philosophe de Tagaste soutient, en effet, qu'il n'est pas admissible que l'homme se donne la bonne volonté, qui est le premier des biens, et que Dieu ne lui ait donné que la simple volonté, qui est un bien secondaire. L'homme serait ainsi plus puissant que Dieu. Du libre arbitre au livre de chapitre 18 à 20. Ils se confient en leur vertu, s'écrit-il en parlant des Pélagiens, et disent en quelque sorte à leur auteur, « C'est toi qui nous fis homme, c'est nous qui nous sommes faits justes. » Lettre 177. Ainsi, d'après saint Augustin, Dieu produit dans l'homme, non seulement le pouvoir, mais encore le vouloir et l'être. Tous les actes humains, dans leur cause, dans leur nature, dans leurs effets, s'expliquent par l'activité infinie du Créateur, raison dernière de tout ce qu'il y a dans les créatures. De la grâce de Jésus-Christ et du péché originel, chapitre 4, 5. On ne s'attend pas à nous voir ajouter, à la fin de ce chapitre, aux solutions innombrables qui ont été données à la question du libre arbitre une solution nouvelle. Comment espérer voir clair dans un sujet si obscur? Comment espérer réussir là où une multitude d'esprits éminents ont échoué? Tant que l'on se renferme dans l'étude de la liberté, comme le remarque très bien Monsieur Cesset, et que l'on fait abstraction de tout le reste, la question n'offre pas de difficultés sérieuses, et chacun est tenté de dire, « Je crois à mon libre arbitre, parce que je le sens. » C'est le point de vue des Pélagiens et de la plupart des esprits nets et positifs, mais peut-être un peu étroits et superficiels. Quand on envisage, au contraire, la liberté dans ses rapports avec les autres parties de la nature humaine, la question se complique, et l'on rencontre un réseau de difficultés d'où l'on a de la peine à sortir. Lorsqu'on la considère dans ses rapports avec le monde au milieu duquel elle se déploie, avec Dieu qui l'a produite et qui la règle, les objections se multiplient et prennent un tel caractère de gravité, qu'il n'est pas de génie, fût-ce celui d'Augustin ou de Leibniz, qui puisse dissiper les doutes et calmer l'inquiétude qu'elles font naître dans les âmes. Ceux qui trouvent cette question simple et facile ne prouvent qu'une chose, c'est qu'ils n'y ont jamais mûrement réfléchi, autrement ils y verraient le mystère le plus profond de notre nature, le véritable abîme de la raison humaine. Aussi, quels débats ardents, interminables, elle a excité parmi les philosophes et les théologiens, et à quelle diversité de systèmes elle a donné lieu, les uns, écrasés par l'idée de cet être qui est le principe, le support et la fin de toute chose, ne voient dans l'homme qu'un mode passager de la substance divine, et dans ses actions que les manifestations variées de la réalité infinie dans laquelle il est comme englouti. D'autres, les regards fixés sur ce monde extérieur qui nous enveloppe de toutes parts et dont les phénomènes s'engendrent les uns les autres par une série d'actions et de réactions sans terme, prétendent que les faits de l'ordre moral sont indissolublement liés à ceux de l'ordre physique, comme les anneaux de la même chaîne, comme les ondulations de la manière, et que l'homme n'est pas une partie distincte, mais une partie intégrante de l'immense nature dans laquelle il est plongé. Les premiers absorbent l'homme dans Dieu, ils sont panthéistes. Les seconds l'absorbent dans la nature, ils sont naturalistes. À côté de ces hardis contempteurs de notre humanité, qui ne veulent reconnaître qu'une réalité dans le monde et lui sacrifient toutes les autres, il y a des esprits plus tempérants et plus sages, qui, sans nier la toute-puissance de l'être divin et l'influence des causes extérieures, s'efforcent de sauvegarder la substantialité, la causalité, la volonté de l'homme. Ce sont en général des spiritualistes. Les deux premiers systèmes ont pour auxiliaire, au fond de nos âmes, l'invincible besoin de l'unité, et, au dehors, les phénomènes de l'univers avec leurs lois inflexibles. Tous deux peuvent invoquer en leur faveur la grande parole de Spinoza, « Il n'y a pas d'empire dans l'empire », et se moquer, avec quelque apparence de raison, de ceux qui rêvent pour l'homme un petit monde à part où la nécessité ne l'atteint point, pendant qu'elle promène son niveau sur tout le reste, comme s'il y avait deux mondes, l'un pour la liberté, l'autre pour la servitude. Par contre, le système spiritualiste a pour lui le sentiment toujours vivant de notre personnalité, de notre liberté, de notre responsabilité et de tous les faits de l'ordre moral. Si je n'admets pas que je suis libre, quand j'ai le sentiment invincible et la claire intuition de ma liberté, que pourrais-je admettre désormais, que je pense, que je sens, je n'ai pas plus de raison d'admettre ces deux derniers faits que le premier. Tous les trois me sont donnés par la même faculté, le sens intime, avec le même caractère, l'évidence. Nul choix ne m'est permis entre eux, je dois ou les accepter ou les rejeter les uns et les autres. Il en est de même du fait de ma propre existence, j'affirme que j'existe parce que je le sens, mais en même temps que je me sens exister, je me sens exister comme cause, comme force et comme force libre. Le fait de ma liberté est enveloppé dans celui de mon existence même. Il faut les accepter ou les rejeter simultanément. Il est évident pour moi, comme pour tout le monde, qu'il y a des choses que je dois faire, d'autres que je dois éviter, mais si je dois, je puis. Suivant la belle parole de Kant, car à l'impossible nul n'est obligé, et, si je puis, je suis libre. Si tous les actes de l'homme sont nécessités, pourquoi admirer les gens de bien, pourquoi s'indigner contre les scélérats? Je ne m'indigne pas contre un volcan, contre un incendie, contre un fleuve. Si je nie ma liberté, je dois nier le devoir, le mérite et le démérite, et reconnaître que ces idées qui entrent dans tous les jugements que je porte sur mes semblables et qui composent la trame de tous mes entretiens, sont des idées vaines et chimériques. En un mot, la négation de la liberté entraîne celle de tout l'ordre moral, aussi personne ne la nie sérieusement. On la nie si peu qu'on en distingue les degrés. Je me sens plus libre dans certains cas, moins dans d'autres, dans l'ivresse, dans la colère et les autres passions, et tout le monde sent à cet égard comme moi. Les tribunaux admettent des circonstances atténuantes en faveur d'un criminel qui a agi sous l'empire d'un sentiment énergique, parce qu'ils savent bien qu'il était moins libre qu'à l'ordinaire. Qu'est-ce que ces degrés que l'on distingue dans la liberté, si la liberté n'est rien? Ainsi voilà des faits aussi positifs que ceux de l'ordre physique qu'il faut méconnaître, si l'on méconnaît le fait de la liberté. Voilà un ensemble de jugements aussi inhérents à notre nature que ceux des mathématiques elles-mêmes qu'il faudra réformer, si l'on veut réformer notre croyance à la liberté de l'homme. De ce que la liberté est un fait essentiellement humain, et qu'on n'en retrouve dans le reste du règne animal qu'une pâle ébauche, il ne s'ensuit point qu'elle ne soit pas un fait réel. Il en est de la raison, c'est-à-dire de cette faculté qui nous fait connaître la raison des choses, exactement comme de la liberté, elle n'existe que dans l'homme. Et pourtant on ne s'avise guère de prétendre qu'elle n'est pas un attribut de la nature humaine, parce qu'on ne la trouve point ailleurs. Avec cette manière de raisonner, et pour le plaisir de constituer une unité fantastique et artificielle, on arriverait à nier la sensibilité dans l'animal, sous prétexte qu'elle n'est pas dans le minéral et dans la plante, et à confondre tous les êtres dans un seul genre en méconnaissant leurs attributs spécifiques. C'est pourquoi je crois qu'on doit, je ne dis pas au nom de la vie pratique, mais au nom de la science morale, de la vérité morale qui est vérité au même titre que toute autre vérité, rejeter le fatalisme. Ce n'est pas seulement la question de l'existence de la liberté, mais encore celle de son essence qui donne lieu à des antinomies qui paraissent inconciliables. Parmi les philosophes, les uns font consister la liberté dans le pouvoir de se décider sans motif, les autres, dans la faculté de choisir, parmi les motifs, les plus conformes à la raison. La première de ces deux opinions a reçu le nom de doctrine de la liberté d'indifférence, et était professée par Pélage, la seconde, celui de déterminisme, et saint Augustin y inclinait visiblement. C'est en vain qu'on chercherait un milieu entre ces deux manières de voir et qu'on essaierait de les concilier. On ne réussirait, suivant nous, qu'à ne pas s'entendre soi-même et à se perdre dans un dédale de contradictions. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'auteurs contemporains. La plupart attaquent de très bonne foi la liberté d'indifférence, sans s'apercevoir que, s'ils la rejettent de nom, ils l'admettent en réalité. Que font-ils, en effet, autre chose quand ils déclarent que ce n'est pas le motif le plus fort qui nous détermine, mais que c'est nous qui, sans raison aucune et uniquement parce que nous le voulons, donnons à tel ou tel motif une force prépondérante? Nous serions fort empêchés si nous avions à nous prononcer entre ces deux systèmes, car ils offrent l'un et l'autre des difficultés extrêmement graves. Sans insister sur celle du déterminisme, qui paraît avoir plus particulièrement frappé les penseurs de notre temps, nous nous permettrons d'indiquer quelques-unes de celles qui nous frappent dans le système de la liberté d'indifférence. Ce sera montrer ce que la doctrine d'Augustin, qui contredisait ce système, avait de plausible. Si la liberté consistait à agir sans motif, notre liberté serait d'autant plus parfaite que nos actes seraient moins motivés, et elle serait parfaite quand ils ne seraient pas motivés du tout. La pleine liberté consisterait donc à agir sans raison, c'est-à-dire capricieusement, follement, au hasard. Mais c'est là une conséquence désavouée par le sens intime et le sens commun, qui nous attestent que notre liberté est d'autant plus grande qu'elle est accompagnée de plus de réflexion et de délibération. Donc la liberté ne consiste pas à agir sans motif. Être libre, c'est être en état d'agir, non pas sans motif, mais d'après des motifs rationnels. L'animal cède à l'impulsion des objets ou de leurs images, l'homme agit par choix et par raison, c'est-à-dire par la considération de la liaison des choses. L'un n'a que des mobiles, l'autre a, en outre, des motifs et peut, en s'appuyant sur ceux-ci, résister à cela. Plus les mobiles diminuent pour faire place aux motifs, plus, en d'autres termes, la passion baisse et la raison augmente, plus il se sent libre. Tous les grands moralistes en conviennent, obéir à la passion, c'est la servitude, obéir à la raison, c'est la liberté. Il ne faut pas non plus mettre l'essence de la liberté dans le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Dans ce cas, Dieu ne serait pas libre, comme le dit très bien saint Augustin, car il ne peut pas mal faire. Mais s'il n'était pas libre, il ne serait pas parfait, il ne serait pas Dieu, il serait inférieur à l'homme. Donc le pouvoir de faire le mal n'est pas inhérent à la liberté. Si on propose à un insensé de danser sur la place publique, dans le costume le plus singulier, aucun motif de convenance ni de décence ne le retenant, il y consentira peut-être et fera ce qu'on lui demande. Un homme sage n'aura garde d'agir ainsi et rejettera bien loin une telle proposition. Prétendra-t-on que, dans cette circonstance, l'insensé était libre et que le sage ne l'était pas, cependant ce dernier ne pouvait pas, étant donné sa sagesse, choisir de faire une folie, il ne pouvait pas avec sa raison se décider à agir déraisonnablement. Sa conduite était nécessité, oui, mais de cette nécessité morale, de convenance, qui laisse la liberté entière, et non de cette nécessité métaphysique, absolue, qui fait que le contraire de l'acte est impossible de toute façon. Dans le système de la liberté d'indifférence, on l'a très justement fait remarquer, Dieu ne peut agir sur la liberté humaine sans la détruire, car il ne saurait la modifier sûrement ni par les idées ni par les sentiments qu'il lui suggère. Il est, par conséquent, réduit à l'alternative de la laisser agir à son gré ou d'agir à sa place. Il ne peut pas davantage prévoir les actes humains, car il ne prévoit les choses que dans leur raison, et ces actes n'en ont pas, ils sont les produits arbitraires d'une force capricieuse et réfractaire à toute espèce de loi. Enfin, si l'essence de la liberté est d'être indifférente entre tel motif et tel autre, est capable de se porter au mal comme au bien, il doit en être, à cet égard, de la liberté divine comme de la liberté humaine. Mais, si la liberté de Dieu n'est pas subordonnée à sa bonté, à sa sagesse et aux autres attributs qui lui fournissent des motifs d'action, qui nous assurent qu'il ne punira pas l'homme de bien, qu'il ne récompensera pas le méchant, et qu'il ne fera pas triompher le mal du bien au sein de l'univers, je m'étonne que la plupart des philosophes contemporains subordonnent la liberté de Dieu à la raison divine, quand ils ne subordonnent pas la liberté de l'homme à la raison humaine, et qu'ils bannissent la liberté d'indifférence du ciel, après l'avoir établie sur la terre. Le système de la liberté d'indifférence offre un dernier inconvénient qu'on ne remarque pas assez, et qui n'en est pas moins, suivant moi, extrêmement grave. Il rend illégitime et réduit à néant toutes les inductions que nous tirons de nos observations sur la nature humaine, soit pour nous guider dans la vie commune, soit pour organiser les sciences morales et politiques. Pourquoi recommande-t-on avec tant de soin aux enfants d'éviter les mauvaises compagnies et les lectures dangereuses, sinon dans la crainte qu'ils n'y puissent des idées et des sentiments qui, agissant comme motif sur leur volonté, la déterminent presque infailliblement au mal? Comment prévoyons-nous que, si on propose à un de nos amis, homme de cœur et d'honneur, de commettre une lâcheté, une infamie, il rejettera avec indignation une proposition de ce genre? Évidemment parce que nous savons que sa volonté n'est pas une faculté isolée, abstraite, indéterminée, mais qu'elle est liée à un certain ensemble de sentiments et de principes qui la détermineront à agir comme elle le fait. Quand nous nous trompons dans nos précautions avec les enfants et dans nos prévisions à l'égard des hommes faits, cela ne vient pas de ce que leur liberté, indifférente entre le bien et le mal, a, par ses allures capricieuses, déjoué nos calculs, mais de ce qu'un fait inopiné est survenu, qui a donné aux choses un tour différent. Si nous nous sommes mépris, ce n'est pas que la liberté du sujet ne fût pas subordonnée à sa nature, c'est que cette nature était trop complexe pour que nous ayons pu la bien pénétrer, et placée dans un milieu trop complexe pour que nous ayons pu l'embrasser dans son ensemble, avec les milliers d'actions et de réactions apparentes ou latentes qu'il devait exercer. L'homme est un être si richement doué qu'il est impossible de le connaître parfaitement, il offre tant de particularités individuelles, et est soumis à tant d'influences diverses, qu'on ne saurait prévoir avec certitude de chacun de ses mouvements. Si cela est vrai au point de vue physiologique, c'est plus vrai encore au point de vue moral. Le cœur humain, dit Pascal, est un orgue dont nous ne connaissons pas les tuyaux. Comment arriver à saisir les lois de la psychologie, de la politique, de la philosophie de l'histoire, si les motifs n'ont pas sur la volonté une action déterminante? Montesquieu prétend que l'ivrognerie augmente graduellement de l'équateur au pôle. J'admets que cette loi soit exacte aujourd'hui, qui m'assure qu'elle le sera encore demain et qu'il ne faudra pas en reconnaître une autre toute contraire, car enfin toutes les volontés des hommes du Nord, qui s'accordent aujourd'hui à céder aux besoins des liqueurs fermentées, peuvent faire le contraire demain, puisque ce ne sont pas, dit-on, les motifs les plus forts qui déterminent la volonté, mais que c'est la volonté qui rend certains motifs plus forts que les autres, et que le propre de la volonté est de n'avoir rien de constant ni de fixe. La statistique moderne constate, à ce qu'on prétend, que le nombre des crimes qui se commettent dans un pays est en raison inverse de la diffusion des lumières. Comment ce rapport, en supposant qu'il soit réel, pourra-t-il être érigé en loi, si les lumières ne déterminent pas la volonté, et si elle peut, sans savoir pourquoi, n'en pas tenir compte et agir dans un sens opposé à leurs inspirations? En un mot, les sciences morales et sociales étant un ensemble de lois, c'est-à-dire de rapports constants entre les faits, et la volonté étant une puissance fantasque qui se jette à travers ces faits, sans qu'on puisse attribuer ses mouvements ni aux sentiments qui la sollicitent, ni aux idées qui l'éclairent, ni à aucune autre raison déterminable, ces sciences sont à jamais impossibles. Tant qu'on n'aura pas résolu ces objections, nous aurons de la peine à prendre parti pour le système de la liberté d'indifférence, tel qu'il a été défendu par Épicure, Pélage, Buffier, Rède, et à condamner celui que Platon, Aristote, les stoïciens, Saint Augustin ont soutenu dans l'Antiquité, et que Leibniz représente avec éclat dans les âges modernes. Markem d'Anarchivorg 2021, D'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.